J'ai dû passer à côté de ma vocation, la proctologie. En effet, je me suis découvert une passion, voire même un problème psychologique pour un trou du cul. Ouais, pas n'importe lequel, hein, celui de la France, s'il vous plaît. La Nièvre. C'est dur à dire, mais je suis atteint de névrose. Je vous explique. 6, 12. Regarde les tours, ces Parisiens qui parlent leur ville comme si c'était un de leurs biens. Écoute l'argument crucial qui te vend la capitale et tous ces beaufs qui sont dedans. Chez nous c'est beau, chez nous c'est riche, c'est tout plein de monuments. Mais pour un appart, tu vends ton cul bien sagement. L'alternative est excessive quand t'as pas de loyer. C'est d'oublier l'arrondissement, il te reste la cité. Un bloc derrière, un bloc devant, l'étanche surcoté. Mon sixième étage, oui j'ai la vue dégagée. Mon horizon, la pollution, à toutes les saisons, moi j'ai mal au poumon. Merci Malbec, merci Michelin qui roule au sans-plomb. Pour chercher son pain, moi ça me fait perdre la raison. Asthmatique, presque allergique, je rigole de voir cette évolution fantastique. De glaïeul noir, j'ai le nez qui me pique. Dans les rues ça pue, les merdes parfument les trottoirs. J'ai qu'une envie, c'est de quitter Paris. Là ça va plus, j'ai mon cerveau qui se pétrit. Le bug. Bon, on va la faire moins stressée. Je vous salue bien bas, amis qui ont télépré. Ce soir c'est le Sopane qui vous présente les faits. J'ai presque envie de déménager quand je compare ma vie à celle que vous menez. À faire pousser sa scène-ci dans le champ d'à côté. En 3 mois de l'automne, fumer son kilo et dire en janvier y a plus de bédo. C'est pas grave, de toute façon lui d'un ce ouf Nardo et sa meule GTI 153 chevaux, il va passer tout près de Ponzi. Chercher un Chevrolet brebis. C'est con ce que je dis, mais comme l'indique mon refrain névrosé. Ça le fait à base de quoi, à base de quoi, à base de quoi, à base de chèvre rosé. La story d'un pays qui ressemble pas à mon quartier où les tours ont fait place à des fermes dites de palaces. Et les pauvres remplacés par des vaches de race, pas comme celle de Châtelet. Hey, depuis je me sens mieux, ma créativité surpasse Dieu. Je peux même faire des enchaînements tout pourris.